La grue du Japon, de Fabrice Melchiot. Enregistré en public au Théâtre de la Ville, Espace Cardin, le lundi 12 février 2018. Elle ouvre les yeux la première. Elle le regarde, qui dort encore. Elle a l'âge qu'elle a, il a le sien. Elle n'est pas nue. Lui, oui, peut-être entièrement sous le drap. Elle le regarde un long moment. Elle essaie de l'effleurer, sans y parvenir. Elle se lève, va se laver le visage, se remaquiller, déjà. Lui se réveille, l'entend dans la salle de bain, regarde autour de lui, les murs, le lit, ses objets à elle, ses vêtements à lui, jetés sur un fauteuil. Les voyages prennent fin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, tu me vois. Non. La nuit, tu couches avec un homme. Le matin, c'est un château de cartes. Un château? De cartes. Excusez-moi. Tu me vois, c'est un fait. Non. Comme il a l'air perdu. Il a l'œil qui tourne. C'est toujours comme ça, non? La nuit est géante et le matin tout petit. Je vais te laisser te rhabiller et puis... tu t'en vas, gentiment. Je peux dire quelque chose? Non. Je peux rien dire. Tu es chez moi, alors tu ne dis rien. Il n'y a rien à dire. Tout parle pour nous. L'air qu'on respire, mon rouge à lèvres écrasé sur ton cou, comme de vulgaires traces de pneus sur l'autoroute. Les doigts que tu tords, ma peau. Ma peau avec les taches que tu vois, les petites taches. Tu la vois, regarde. Ces petites taches parlent pour nous, pas vrai? Ton regard affolé. Tes vêtements sur le fauteuil vers lesquels tu lorgnes, en demandant comment tu vas les attraper sans te montrer nu devant moi. Ça te gêne maintenant? Non. Tu veux que je ferme le volet? Non. Alors lève-toi. Tu ne bouges pas. Est-ce que tu peux me tendre mes vêtements? Merci. De rien. C'est une question d'être à l'aise ou pas globalement dans l'ensemble. C'est pas une question de toi et moi là maintenant. J'ai pas compris. C'est une question d'être à l'aise ou pas globalement dans l'ensemble, c'est pas une question de toi et moi là maintenant. Je crois que si tu me le répétais une troisième fois, je resterais perplexe. C'est de la pudeur, c'est tout. De la pudeur. Eh oui, ça existe. De la pudeur. C'est pas comme ça qu'on dit? Ça dépend de ce qu'on dit. Tu m'impressionnes, c'est ça. Tu m'impressionnais déjà avant, mais là, bon ben... Et te dire tu, ça m'impressionne. Et la situation, là, même si je savais hier qu'on serait dans cette situation, eh ben, la situation m'impressionne, vu que tu m'impressionnais déjà avant. Je crois qu'on s'est dit l'essentiel. Ah bon? Tu as quelque chose à ajouter? Je sais pas, ben... que c'était super, quoi. Super. C'était super, c'était beau, c'était fabuleux. Mais tu parles de quoi, mon chéri? De la nuit. La nuit, c'est jamais le problème, Bogdan. La nuit, c'est la nuit. La nuit, c'est l'homme et la femme. La nuit, c'est la grande fête des zizi. Mais le matin, c'est la grande perturbation. C'est le vouvoiement. C'est la dépression. Je suis pas dépressif. Déprimé. Non plus. Mais si. Eh ben non. Bon, bah paumé, disons paumé. Non. Content, je suis content. Content de toi? Content de nous. Content de nous? De toi et moi. C'est ridicule. C'est super, c'est beau, c'est fabuleux. On dirait que tu pars de la naissance de ton premier gosse. J'ai pas de gosse. Pourquoi? Pas eu envie. Tu aurais mieux fait de faire un gosse à quelqu'un. Ça t'aurait évité de coucher avec une vieille peau. Ça t'aurait occupé. Quoi? Tu m'as comprise, on s'est compris. Je crois pas. Allez, il s'en va. Il s'en va qui? Il s'en va toi. On boit pas un café? Dehors. Est-ce que je peux... Ne me touche pas, s'il te plaît. Arrête d'être gentil, c'est dégradant. Personne ne t'oblige à faire de la conversation, ni des compliments. Personne ne t'oblige à prendre soin de moi. On a bricolé des choses avec nos sexes. Et alors, ça arrive au plus con. C'est banal. On a fait l'amour. Pour parler d'amour, il faut que ton sang ne soit pas très clair. À quoi tu as coupé ton sang, ma chérie? Est-ce que tu te drogues? L'amour nous regarde, il ne reconnaît pas. Faut pas se parler comme ça. Faut pas être dans la violence, c'est impraticable. Impraticable. J'ai encore la peinture à finir. Ah, c'est ça dont tu as peur. Tu as peur que je ne veuille pas que tu termines le chantier. Tu as peur que je prenne un autre peintre que toi. Que je ne m'acquitte pas de ce que je te dois. Non. Dehors, ça veut dire hors de mon lit. Hors de ma chambre. Hors de mes secrets. Hors des choses que je ne montre plus à personne. Hors de mes seins. Hors de mon cul. Mais dans le salon, aucun problème. Prends le temps qu'il faut. Tu étais là pour ça, Bogdan, repeindre le salon. Et je compte sur toi pour ne pas tout laisser en plan. Je vais finir, ça c'est sûr. Bon. On boit pas un café? Un café? Un café? Tu veux boire un café? Bah, qu'est-ce que vous prenez le matin? Tu me vois encore un coup de poing dans les couilles. Pardon. Tu m'impressionnais déjà avant. Mais qu'est-ce qui t'impressionne chez moi? Tout. Développe. On boit pas un café? Toujours pas. Tu es belle. Tu es forte. Tu es douce. Tu es attentive. Moi? Attentive? Non, franchement, non. Belle, ça m'est arrivé. Forte, j'ai pas le choix. Douce, avec les plantes en général. Attentive, pas tellement. Toi, tu es attentif. Moi? C'est insupportable à quel point tu peux être attentif. Merci. Ce n'était pas un compliment, Bogdan. C'est un encombrement. C'est encombrant, toute cette attention que tu portes aux choses, aux gens, à moi. C'est parce que tu m'impressionnes. Tu m'as fait beaucoup de bien cette nuit. Toi aussi. Vraiment beaucoup. Merci. De rien. Non, merci à toi de m'avoir fait beaucoup de bien aussi. Tu ne regrettes pas? Regretter? Désolé, il faut que je réponde. Allô? Allô? Ça va, toi? Oui, moi, ça va très bien. Oui, je viens de me lever. Bah, quelle chaudière? Mais pourquoi tu me parles de ta chaudière? Bah, appelle un chauffagiste. Pourquoi veux-tu que j'aie le numéro d'un chauffagiste? Non, tu es limite, André. Tu es carrément limite. Tu es, comment dire, inadapté, quoi. Mais non, pas du tout. Je suis en excellente humeur. Je dis simplement que tu as probablement quelque part dans ta cape un bottin, des pages jaunes ou alors Internet, je ne sais pas. Bon. Ben oui, tu as froid. Nous avons tous froid. C'est l'hiver. C'est normal. Bon, je vais te laisser là. Non. Non, rien. Je vais chez le coiffeur. Je vais me faire une couleur. Je prends le bottin et cherche. À plus tard. Oui. Oui. Tu as rendez-vous chez le coiffeur? Bon, quoi foutre, tu me trouves mal coiffé? Non. C'était mon ex-mari. Ah. Bon, on n'a jamais été mariés, mais c'est mon ex. D'accord. Il est peintre. Lui aussi? Enfin, non. Bah, il est peintre ou il n'est pas peintre? Toi, tu es peintre, mais lui, il est peintre. Ah, il peint pas des murs. Si, ça peut lui arriver. Il adore les grands formats. Moi aussi, j'aime bien quand les murs sont grands. Les petits murs, c'est plus chiant. Bien sûr. Alors, tu aimes les peintres, alors? Pardon? Tu aimes être avec des peintres. J'ai aimé un peintre, André. Il s'appelle André. Et puis moi. Voilà. Deux peintres. Je crois qu'on s'est dit l'essentiel. Moi, c'est la première fois que je suis avec une chanteuse. Une chanteuse, ou ça? Bah, toi, tu es chanteuse, n'est-ce pas? Je suis rentière. C'est un autre métier. Très vieux métier. Mais tu es chanteuse. Mais qui t'a dit ça? Personne. Qui t'a dit ça? J'ai vu les disques dans le salon. Avec ta photo dessus, Anna Solari, c'était l'opéra. C'est beau l'opéra. Tu aimes l'opéra? Je sais que c'est beau. Tu écoutes de l'opéra? Quand je peins, j'écoute la radio Nostalgie. J'aime bien les vieilles chansons françaises comme Johnny Hallyday ou Pascal Obispo. C'est avec eux que j'ai appris à parler français. Tu es polonais, c'est ça? Je suis français, maintenant, depuis 10 ans. On va enlever les draps. On ne boit pas un café? Je dois les laver. Ils sont pas sales. Aide-moi. Ça va? Mais oui, ça va. J'ai le droit de demander si tu es polonais, non? J'ai le droit de poser des questions cons, oui ou non? Oui, oui. Alors arrête. Arrête quoi? Arrête d'être gentil et de ne pas me dire de la fermer quand je te pose une question con du genre « Est-ce que tu es polonais ?» Je suis désolée, c'est complètement idiot, on va prendre un café. C'est pas un café d'amour, c'est un café de culpabilité. Bogdan, écoute, tu es formidable, tu es un bon pain, tu es un bon amant, tu m'as énormément donné. J'avais oublié à quel point un lit est le lieu de charité, mais maintenant tu vas me faire le plaisir de boire un café, vite fait, bien fait, et tout reprendre. Tout reprendre? Tout reprendre, et puis tu t'en vas. J'ai un accent? Non, tu n'as pas d'accent. Anna, tu as dit charité. Tu as dit charité, pourquoi charité? Le lit, c'est pour la charité? Moi, j'ai pas demandé la charité. Hier soir, quand je suis parti, je suis pas parti parce que j'arrivais pas à partir. Alors tu m'as proposé l'apéro, on a pris a glass of champagne. Et personne ne m'avait jamais demandé en anglais, Bogdan, ça te ferait plaisir, a glass of champagne. Et on a bu, on a discuté. Je t'ai raconté l'histoire de cette petite fille sur la plage de Nice que j'avais sauvée de la noyade. Et j'ai vu que tu étais tendre avec les yeux. Et j'ai vu que moi, j'étais excité de ta tendresse. Prends du sucre? Non, noir serré. J'étais comme un fou, excité de ta tendresse. Qu'est-ce que tu dis? J'étais comme un fou, excité de ta tendresse. Intéressante, cette phrase. Et toi, tu es comme un volcan dans le soleil d'été. Il est temps d'arrêter Obispo, Bogdan. Pourquoi? Café? Merci. Oh merde. C'est pas grave. Tu m'impressionnes. Arrête de dire ça. Ce n'est rien. Je vais laver. Oh, tout est taché de toute façon. Il n'y a pas un recoin de cet appartement qui ne soit pas couvert de taches. J'ai mis du temps à l'obtenir, mon café, et puis je le renverse. Je vais t'en faire couler un autre. Non, non, ça va. Restez là. Vous vois mon... Reste. Où ça reste? Plus près de moi. Tu as quel âge? 29 ans. C'est magnifique. Et toi? Tu as le droit de poser des questions cons, Bogdan, mais j'ai le droit de ne pas y répondre. Tu peux chanter quelque chose pour moi? Oh, je trouve cette phrase intéressante. Tu peux? Je n'ai pas chanté depuis... Comment dire, disons que la dernière fois que j'ai chanté, tu devais envisager sereinement ton passage au cours élémentaire. Tu es drôle. Quand on n'a plus les seins tendus ni les teints clairs, on prend d'autres armes. L'humour, c'est le petit pistolet coincé dans la chaussette des vieilles. Dis pas ça. Tu es comme une colombe dans la main d'un magicien. Très belle image, Bogdan. Merci. Et si on se remettait à la peinture? Enfin, toi à la peinture et moi à mes factures, hein? Tu ne prends pas notre amour au sérieux. Tu peux répéter? On a fait l'amour comme des fous. J'ai jamais fait ça là, comme des fous, comme ça, comme des cinglés. Café? Non! Non, non, non, merci. Donc, serré. Mets de la musique avec ta voix. Un disque de toi, s'il te plaît, je veux entendre. J'ai jamais beaucoup entendu l'opéra sur Radio Nostalgie, mais je vois ce que c'est, globalement, dans l'ensemble. C'est ça? Ça, c'est l'opéra, ça? C'est toi? C'est toi qui chante? Oui. C'est Donizetti, Lucia di Lammermoor. L'acte 2. Techniquement, c'est très pointu. J'avais une robe en taffeta blanc. Elle était couverte de sang. Je contrôlais encore ma voix. Tiens. Merci. Oh merde, merde. C'est pas grave. Ah si, c'est grave. J'ai les mains qui tremblent, on dirait. Je réponds, tu permets ? Saint-Valery-sur-Somme, eh bien, c'est très bien. Et pourquoi tu m'appelles si tu as trouvé un chauffagiste? Quoi, juste pour me dire qu'il s'appelle Balladur? Mais je m'en fous complètement, moi. Qu'il s'appelle Balladur, ton chauffagiste. André, écoute, je suis chez le coiffeur. J'ai de l'aluminium et des trucs oxydants plein la tête. Je ne peux pas te parler. Là, maintenant. Oui, allez, bonne journée. Répare tout ça. Je peux laver ? Où sont les éponges ? Avec des étoiles de mer au fond des océans. Qu'est-ce que tu dis ? Rien. Je te regarde. Et tu parles des étoiles de mer ? Évidemment, j'aurais pu choisir les moules ou les bouleaux. Oui, mais tu prends les étoiles de mer. Laisse les taches où elles sont. C'est pas propre. Au bout d'un temps, on s'y fait. Oh, excusez-moi. Vous vois, mon... C'est Malik, mon associé, je dois répondre. Il doit pas savoir pourquoi je suis pas rentré cette nuit, on est en colocation, je devais rapporter des outils, il est sur un autre chantier. Oui, réponds, je t'en prie. Ouais, Malik, salut, ouais, c'est Bogdan. Ça va ? Bien ? Ouais, non, je suis pas rentré, non, c'est la vie, Malik, je t'expliquerai quand le temps le voudra. Mais ça m'embête pour les outils, comment on va faire ? Je peux passer maintenant à l'appartement, si tu veux. Dans une heure, le temps de la route, quoi. Ou alors direct sur le chantier. Donne-moi l'adresse, je note. T'as de quoi noter ? 6, 8, rue La Canale à Pontin. 6 ou 8 ? 6, 8, ok. Excuse-moi encore, mon ami. Bah, tu peux attaquer le masticage. C'est resté dans le camion, je pense qu'il y a de quoi. Et pour le spatulage, je te donnerai un coup de... Ok. Ok, je suis là dans une heure à la rue La Canale. C'est moi qui ai le GPS. Merci, Malik. Excuse. Tu ne restes pas ? Je fais l'aller-retour à Pantin pour Malik. Je reviens après le spatulage là-bas. Je dois l'aider. J'ai des outils dans le fourgon. S'il n'a pas ça, il est bloqué. On alterne. On est des associés. Et on est organisés, mais là, j'ai désorganisé. C'est moi qui ai désorganisé. Non, c'est nous. C'est ça. Bon. Je ne te propose pas une troisième café. Je dois y aller. Malik est sympa, mais il est en galère. Tu ne veux pas te doucher ? Oh, je me suis douché hier. Comme j'imagine que je ne te reverrai pas, je tiens tout de même à te remercier, Bogdan. Te remercier pour tout ça. Le rebouchage, le masticage, le spatulage, le lissage, tous ces mots que tu m'as appris, et puis le sexe. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis longtemps. C'est le genre de phrase que prononcent toutes les femmes de 70 ans dans ma situation, non ? Je vais revenir. Bien sûr que non. Si. J'ai ce qu'on appelle des taches de vieillesse sur la totalité du corps, dont l'absence d'éclairage cette nuit a évité le spectacle. Ce sera un très joli souvenir, Bogdan. Compte sur moi pour en prendre soin. Ça ne m'arrive pas tous les jours de m'envoyer le plombier ou le livreur de pizza. Ça ne m'arrive pas. Je vis seule, avec un polype encore actif sur les cordes vocales. C'est quoi un polype ? Un champignon. Tu as un champignon dans les cordes ? C'est ça. Les yeux sont pleins de champignons. On aimerait l'empêcher, mais la science n'est pas encore assez affûtée pour nous éviter ça. Tu as un champignon dans les cordes ? C'est une papillomatose du larynx. Tu m'apprends spatulage, je t'apprends papillomatose. Je dois partir. Évidemment. Mais je reviens. Évidemment. Plus tard. Il ouvre les yeux le premier. Il la regarde qui dort encore. Il a l'âge qu'il a. Elle a le sien. Il n'est pas nu. Elle, oui. Peut-être entièrement sous le drap. Il la regarde un long moment. Elle se réveille, l'entend dans la salle de bain. Regarde autour d'elle, les murs, le lit, ses objets à lui, ses vêtements à elle, jetés sur un fauteuil. Ça va? Ça va. Bien dormi? J'ai rêvé que Previtali me tirait par les cheveux dans les couloirs de la Fenice en hurlant « Elena, non ascolti mai, non ascolti mai !» C'est qui lui? Fernando Previtali, un grand chef d'orchestre. On a fait Aïda ensemble en 1970. En hiver. C'était février ou mars, je ne sais plus, mais on avait froid. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Aïda, c'est l'opéra que tu m'as fait écouter la semaine dernière? Une autre version, mais oui, c'est la même. Café? Prends-moi dans tes bras d'abord. Malik est parti? Il dort encore. Je croyais qu'il devait partir tôt voir sa mère à Évreux. Il est resté endormi. Et sa mère? Il ira plus tard, on bosse dur ces temps. Tu veux bien me donner mes vêtements? Tiens. Tu veux bien tirer les rideaux? Je te regarde pas. Moi, à chaque fois, tu dis ça, mais tu regardes. Non. Je sais que tu regardes. Et alors? Tu es belle. C'est pour la bonne santé de mes yeux. Des belles images égale bonne santé visuelle. Baisse quand même la lumière. J'aime les samedis. Quand on a le temps... Qu'on n'est pas obligé d'aller bosser comme des clowns avec la peinture qui gicle dans les yeux. Les samedis, c'est un bon jour parce que je sais maintenant que les samedis, on est toi et moi et on traîne comme un vrai couple. C'est bon, non? Rien n'est meilleur, Bogdan. 8h et André n'a toujours pas appelé, c'est bizarre. Il va pas tarder. Je n'ai pas vécu un seul jour ces 40 dernières années sans qu'il m'appelle avant 10h du matin. C'est gentil et c'est chiant. Il est un peu à part, tu sais. À part de quoi? Tu commanderas. Pourquoi? Parce qu'on va aller le voir. Quand? Un jour ou l'autre. Obligé? Bogdan, ça fait un mois qu'on passe toutes nos nuits ensemble. Depuis qu'André n'est plus mon mari, et même s'il n'a jamais été, je n'ai pas partagé un mois complet de ma vie avec un autre homme. André est une espèce d'ami très proche. Nous nous sommes quittés d'un commun accord il a 17 ans. Et j'ai envie qu'il te connaisse. Parce que je considère que c'est une chance pour tout être humain de faire ta connaissance. De même que je pense, rencontrer André est un cadeau pour quiconque. Il va pas être jaloux? Et toi? Moi, globalement, dans l'ensemble, je voudrais détruire ton téléphone. Bogdan, c'est André. André ne connaît pas la jalousie. Il ne convoite rien. Il plane à 10 mètres du sol, suspendu sur ses toiles blanches qu'il passe son temps à scruter comme si elles étaient l'ennemi. Il est obsédé par les pigments naturels, les poils de pinceau et les oiseaux qui peuplent la baie de Somme. André n'est pas un homme. André est un concept. Quand on parle du loup... Allô, André? Allô? Oui, ça va. Non, non, rien de spécial. Non, bien sûr que je suis chez moi. Où veux-tu que je sois? Mais non, je n'ai pas entendu le téléphone fixe, il a une sonnerie extrêmement faible, c'est un vieux téléphone. Ben, je sais pas, je vais aller chez le boucher. Voilà, chez le boucher acheter un steak, oui. Je vais acheter un steak à midi, voilà. Et toi? Un pavé de saumon. Ah, c'est bien. Alors, s'il est frais, bien sûr. Bon. C'est très très bien, tant mieux. Allez, à plus tard, André. Ça va. Il mange un pavé de saumon à midi. Avec du riz. Et toi, un steak. À chaque fois qu'il me demande ce que je fais, je me sens pris de court. Il sent que tu es heureuse et ça l'inquiète. Il renifle comme les chiens de chasse. Est-ce que je t'ai donné le nom de famille d'André? Non. C'est un détail, mais c'est un détail intéressant. Lemoine. André s'appelle André Lemoine. On peut dire qu'André est victime de surdétermination sémantique. Dans tous les cas, c'est un reclus volontaire dont on parle. Un ours. Quand nous vivions ensemble, nous vivions l'un à côté de l'autre, ce qui est d'une banalité sans nom. Mais ce qui l'était moins, c'était à quel point nous vivions l'un à côté de l'autre. On pouvait passer des journées sans s'adresser la parole, en oubliant presque l'autre était là. Alors pourquoi tu lui parles pas de moi, de nous ? Je vais le faire. Quand ? Dans 2 mois. Dans 2 mois ? Je veux voir si, dans 2 mois, nous en sommes encore à passer une nuit chez toi, une nuit chez moi, ou si, d'ici là, tu as ouvert les yeux sur le demi-cadavre que tu embrasses tous les jours. On se voit depuis 1 mois et franchement, c'est inespéré. 2 mois, ce serait tout à fait étonnant. 3 mois, ce serait une preuve. Une preuve de quoi ? Une fourmi ouvrière vit de 3 à 10 mois. Si nous passons ensemble moins de temps sur Terre qu'une fourmi ouvrière, je ne vois pas pourquoi j'alarmerais mes proches. Moi, j'ai tout de suite parlé de toi à Malik. Malik ne compte pas. Pourquoi ? Malik est, comment dire, il ne compte pas. C'est Malik. Il est un peu fou quand même, non ? Fou ? Il n'est pas fou ? Malik ? Oui, Malik. Fou comment ? Fou quand on a un grain, quoi. Un grain ? Oui. Écoute, Bogdan, les rares fois où nous nous sommes croisés, j'ai eu l'impression que Malik n'était pas tout à fait équilibré. Ben non, il est bien. Il a un regard qui en dit long sur son équilibre. Quel regard ? Malik est sans doute un excellent maçon. De ce point de vue-là, il est remarquable. Mais Malik souffre de ce qu'on appelle communément un retard mental. Ah bon ? Un petit, hein, pas un gros. Mais c'est là, c'est sûr. J'avais jamais remarqué. Ce qui n'est pas grave en soi. Mais Malik est incapable de distinguer les 40 ans qui nous séparent, toi et moi. Pour lui, une girafe pourrait s'accoupler avec un hippopotame. Il jugerait ça ordinaire, voire plaisant. Il est poétique, c'est tout. Prenons les gens normaux. Tes parents, tu dis toujours, mes parents, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Tu les as prévenus, tes parents ? De notre amour, oui. Sérieusement ? Oui, je leur ai parlé de toi. Et je peux savoir comment tu leur as présenté la chose ? Je leur ai dit que j'avais rencontré une fille. Une fille ? Tu voulais que je dise quoi ? Une girafe ? Quel âge a ta mère ? 53 ans. J'ai 17 ans de plus que ta mère. Peut-être. Tu me fais un café ? Quand j'avais 17 ans, ta mère voyait le jour. Et ton père ? Il a quel âge, ton père ? Il est plus jeune que ma mère. Je pourrais être ta grand-mère. Quoi ? Je dis, je pourrais être ta grand-mère. J'entends pas. Je pourrais être ta grand-mère. Qu'est-ce que tu dis ? Fait exprès ? Peut-être. Tiens. Merci. Malik, l'autre jour, il m'a dit : Bogdan, mon frère, on se connaît depuis 4 ans, on bosse dur et j'aime bien travailler avec toi parce que tu es réglo. Et il m'a dit : depuis que je te connais, je t'ai vu avec des filles, mais aucune te rendait heureux et tu savais pas non plus les rendre heureuses. Et il m'a dit : Anna, c'est autre chose. Vous vous rendez heureux. Alors, emmène-la en vacances à Bourg-en-Bresse. Il a dit ça. Avec son petit retard mental. J'ai beaucoup apprécié l'essentiel de ta phrase, mais l'envoi sur Bourg-en-Bresse est plus obscur. Oui. Malik, il a un oncle à Bourg-en-Bresse qui a bien réussi dans le bâtiment. Un très bon maçon. J'ai fait 2 chantiers avec lui, c'est un cadeau, franchement. Et donc, son oncle, il s'appelle Ibrahim, et il loue des studios à Bourg-en-Bresse. Mais pour nous, ça serait gratuit. Thank you. J'aurais pu vous faire des œufs, mais j'en ai pas. Il y a des pommes, c'est l'essentiel. J'en achète jamais. Le café, il est très bon, il est chaud. Ah oui, je le fais chaud en général. Il est meilleur. Froid, c'est pas mauvais l'été. Passe-moi le beurrier, tu veux bien? Vous avez assez dormi. Pourquoi? Oui, on n'entend rien ici. Ça fait une tirée en fourgon depuis Paris. Du beurre de micelle? Depuis quand? On a mis 3 heures. Ça a bien roulé. On est parti tard, comme tu disais. C'est du demi-sel. C'est pas grave. Et le fourgon, c'est un diesel? Oui. J'ai jamais passé mon permis, moi. Ah bon? Non. J'ai toujours conduit. Par ici, quand je sors, je vais à vélo. J'ai vu par la fenêtre ce matin. Ça a l'air très beau. Anna m'a dit, tu verras, c'est très beau, c'est vrai. Ça a l'air très beau. J'ai un vélo. Caraco Cicli, c'est italien, ça roule bien. Ah, ils font des bons vélos, les Italiens. Il paraît. Première fois au Ourdel? Première. Faut découvrir. Ils ont annoncé quel temps pour le week-end? Je sais pas. Sûrement beau. J'ai vu que c'est des grandes marées. On a un coefficient de 118, des hauteurs de 10,40 m. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'eau. J'ai jamais lu des choses là-dessus. Sur les marées? Je sais que ça monte et ça descend. En fonction de l'attraction de la Lune et du Soleil sur la mer ou l'océan, tu peux calculer les marées longtemps à l'avance, vu qu'elles dépendent toujours des mêmes données, c'est-à-dire les trajectoires et les inclinaisons de la Terre, de la Lune et du Soleil, et puis le relief des côtes, évidemment, la topographie. Et le coefficient, c'est quoi? C'est le rapport entre le marnage semi-diurne de la formule harmonique divisée par la valeur moyenne du marnage pour les marées de vivoque d'équinoxe. J'ai l'annuaire des marées. Vous pouvez le consulter si ça vous intéresse. C'est passionnant. Je ne savais pas que tu savais toutes ces choses sur les marées. C'est Michael. Il ne peut pas s'empêcher de t'expliquer. Michael? Mais qu'est-ce que je... Michael. Ben, je ne connais pas de Michael. Bien sûr que si, Michael. Ah, Michael. Il s'est branché là-dessus, il est incollable. C'est qui, Michael? Un voisin. Disons qu'il me rend des services. Il devient quoi? Cherche du boulot tout le temps. C'est devenu un emploi à plein temps, monter des dossiers, appeler des agences d'intérim, des marchés, des curriculums, et j'en passe la plupart du temps. Il désensable. Il va avoir 40 ans, Michael, tu te rends compte? La plupart du temps, il désensable. On a connu ce gamin, il avait quoi, 22, 23 ans? C'est le premier habitant qu'on a rencontré au Ourdel. C'est dur, la situation au travail. Nous, on n'a pas à se plaindre avec mon associé Malik. Bogdan est peintre, lui aussi. Ah bon? En bâtiment. J'allais le dire. Là, il faut de tout. Moi aussi, en ce moment, je suis dans la tendance bâtiment de ma propre pratique, si je puis dire. Comment ça? J'ai repeint ma chambre. Ah bon? Oui. J'aurais pu le faire. Non. Bah, je trouve que tu entretiens bien ta maison. De nuit, je n'ai pas, j'ai pas pu me rendre compte pour les extérieurs, mais tu restes actif, j'ai l'impression. C'est formidable. C'est que je vais la vendre. Vendre quoi? La maison. Tu vas vendre la maison? J'ai déjà eu quelques visites. Des visites? D'acheteurs. Mais André... Vous aimez les oiseaux? Tout le monde aime les oiseaux. Non. Ah, moi, j'aime les oiseaux, oui. À quel point? Comment ça, à quel point? Comme on aime prendre un verre avec des amis le soir avant de rentrer se coucher. Comme on aime regarder les arbres par la vitre d'un train, ou comme on aime ses enfants. Comme on aime sa femme, ou sa mère, ou son père. J'aime les oiseaux comme on aime les oiseaux. Admirablement. Admirablement. Je vais vous refaire un café. J'ai un vélo. Caraco Cicli. C'est italien. Je... André. Quoi? Tu vas vendre la maison? Pour aller où? Je sais pas. J'hésite. On verra. Vous, vous aimez beaucoup les oiseaux. Comme si ma vie en dépendait. Tu vas vendre. Vous utilisez quoi comme peinture? À l'huile, et vous? Satinée. Satinée. Mais André, enfin, c'est ta maison. Après, nous, c'est pas pareil, on fait ce qu'on nous dit, et il y a beaucoup de gens, c'est préférence au mat de nos jours. Mais satinée, c'est meilleur pour les yeux. Et les pinceaux, vous prenez quoi? Des filberts. Des filberts? Un mélange de synthétique et de porc, des espèces de langues de chat. Vous ne montrez pas vos toiles? André... J'aimerais un semblant d'explication. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tout est dans l'atelier, dans la maison, rien. Je ne peux pas vivre avec. Je peins pour vivre sans. Sans les oiseaux? C'est ça. Je les aime tellement que je préfère vivre sans. Je les stocke, face contre le mur. Heureusement, j'ai des acheteurs réguliers qui m'en soulagent. J'aimerais les voir. Rester tout le week-end, n'est-ce pas? Pas si tu vends la maison dans la journée. Qui reprend du café? Vous aimez? Le satiné. J'aime beaucoup le satiné, mon vieux. Enfin, façon de parler, quoi. André. Quoi? André. On va y venir. André. Venir où? La gérontophilie. André. La quoi? La géronto, ce goût pour les vieux. Quel vieux? Elle. Elle et moi. Vous êtes d'une gentillesse totalement déplacée, mon vieux. Je le dis tout net. Ça fout les jetons. Vous me terrifiez avec vos questions gentilles sur quelle peinture, quel pinceau j'utilise. Mais vous n'avez rien vu des volatiles infâmes qui viennent crever sur ma toile, ni des paysages sablonneux que je tente vainement d'immortaliser alors qu'ils sont déjà morts plusieurs fois au bout d'un milliard de coups de pinceau maniérés. Bogdan, vous êtes poli, vous êtes courtois, vous êtes attentif, vous nous regardez la peau, vous nous regardez les rides, vous nous reniflez la laine, vous êtes gérontophile. Anna, t'en penses quoi? André. Je ne t'ai pas caché les choses, j'y étais transparente. Je croyais qu'au téléphone, tu avais craché l'essentiel de ta morgue, de tes doutes, de tes inquiétudes. Bogdan a l'âge qu'il a, et j'ai l'âge que tu sais. Et même si depuis 3 mois j'ai l'impression de danser sur une corde avec un corps plus vraiment fait pour ça, je danse. Je n'accepte pas que tu humilies cet homme qui est le plus aimable qui soit. Anna, je vais... André, où vas-tu? Tu avais promis que ça allait se passer à la merveille, tu avais dit. On n'aurait pas dû venir. Quand il est comme ça, il est impraticable. C'est un con. Non, il n'est pas con. Et puis cette histoire de vente de maison, sans cette maison, il ne pourrait pas vivre. C'est son temple. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un lui aussi. Une femme? Une fille. André? Il a rencontré, ça se sent. Et à quoi tu le sens? Il est perturbé, comme moi, quand je suis avec toi. Une fille, tu dis? Ou une femme. Ce serait le comble. Ça arrive souvent dans la vie, non? Un tombe amoureux, l'autre aussi. C'est intéressant. Je peux te poser une question? Je t'en prie. C'est quoi un géronto? Un géronto, eh bien, c'est quelqu'un qui est, comment dire, c'est une personne attirée par les vieilles personnes, les personnes âgées. C'est ça, un géronto. Un gérontophile, tu vois. Alors, je suis géronto. C'est vrai, il n'y a pas de mal à dire ça. Non, il n'y a pas de mal. Il vaut mieux ça que piquer mon sac. Mais André, qu'est-ce que tu fais avec un vélo dans la cuisine? Est à vous le fourgon garé dans la cour? Pardon? C'est le fourgon de Bogdan, oui. Oui, c'est mon fourgon. C'est un Carco Cicli? Non, c'est un Renault Trafic. Le vélo? C'est italien. On va faire un tour? En vélo? Ils en louchent la route de Caillou, ils sont sûrement un modèle enfant pour machin, là. Oh, André. On va voir les oiseaux. Et puis la grande marée, faut pas rater ça. Vous êtes venu pour vous détendre. Si on reste enfermé là, quelqu'un va mourir. Alors à bicyclette pour la survie de l'espèce. Vous faites un beau couple de singes savants, tous les deux. Allons chercher un prêtre. C'est romantique. Sur la côte, les falaises, le vent. Le vent, la vague immense. On prendra un canard et une poule d'eau pour témoin. Moi, je ferai le photographe. Mieux, je vous peindrai. Je vous peindrai à l'huile entre 2 oiseaux. J'ai déjà le titre. La vieille et son tabouret. Allez, on y va? Anna. Je pense qu'André fait une tentative de jalousie. Une tentative? Il s'essaye, c'est bancal, c'est faux, c'est plat. C'est comme un jeu qui ne prend pas dans une cour d'école. Personne ne me connaît. Sauf toi, Anna. Allez, sortons, je vais me tenir à carreau, promis. Un ange, un chérubin, une madone. Je vous offre une glace. C'est quoi ton prénom déjà? Bogdan. Bogdan. Mais allons manger une petite glace à la plage. Bogdan, j'ai connu un Bogdan. Qu'est-ce qu'il était con. André, je t'en prie. Moi, c'est André. Tu peux m'appeler André. Que tu le veuilles ou non, Bogdan est mon homme. C'est mon homme. Mon partenaire. C'est comme ça. Oui, voilà. Nous avons un petit écart d'âge. So what? So what? So what? Oui, so what? Tu as dit so what? Je peux vous payer une glace? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, avec sa glace? J'aime pas les glaces, ça me fait mal aux gencives. J'ai les gencives fragiles. Et ce con veut coller un esquibo dessus. Oh, tu vas en torturer d'autres, d'accord? Je vois clair dans ton jeu, géronto psycho. Psycho? Pat! Tu séduis les vieux, puis tu les zigouilles et tu les bouffes. Bogdan, on s'en va. Pourquoi on fait connaissance, Damien et moi? Et moi, qui te présentais comme une incarnation magnifique de la dignité, moi qui, sans effort, dressais de toi un portrait idéal. J'avais foi en toi. J'avais foi dans ta sympathie rentrée, dans ta douceur bourrue, dans ta, je ne sais pas quoi, dans ta gentillesse discrète. Toutes ces qualités que j'invente sans doute. C'est de la nostalgie peut-être, mais force est de reconnaître que tu es une peau de vache, André. Un salopard, un jaloux, un orgueilleux, une brute. Comment ça va ton polype? Quoi? Ton polype, ça va, c'est stabilisé? Son polype? Je t'ai dit que j'ai vendu la maison. Quoi? J'ai vendu la maison. Il y a 5 minutes, elle était à vendre et tu l'as vendue. À des Belges. Tu peux m'expliquer la transaction? Tu as communiqué télépathiquement avec la Belgique pendant qu'on discutait peinture et bicyclette? Ils ont visité il y a 3 semaines un couple de retraités. Ils cherchaient un bien habitable à l'année. Tu es sérieux? Des Namurois. Des retraités Namurois. Ils sont mariés à la mairie de Cailleux, figure-toi. Mais tu as vendu la maison? Un prix correct, vu le marché. Mais pourquoi? C'est parce que je vais partir. Partir? Mais partir où? C'est difficile à dire. Tu vas le dire quand même. Dire quoi? Où tu pars? Qui part? Toi. Moi? Ben, tu as bien dit que tu partais. J'ai dit ça. Tu veux que je casse un peu de vaisselle, André? Non. Tu pars où? En voyage. Mais où? Ça me regarde. Longtemps? Pour toujours. Ok, je vais chercher des glaces ou des vélos, des autruches. Tu bouges pas! Tu restes assis. Assis, j'ai dit. Assis. Oh, j'ai pas peur de toi. Et puis on va parler peinture, tu vas voir. Je vais te les montrer, mes toiles, tu les trouveras bizarres et inutiles. Parce que c'est pas des murs et que ça protège de rien. Tu me poseras des questions de peintre en bâtiment et je te ferai des réponses de peintre. On aura leur fin. Chacun dans sa merde avec ses limites, hein, Bogdanov? Bogdan, mon chéri, je t'en prie, va t'acheter une glace. Oui, maman. Quoi? Bogdan, mon chéri, va t'acheter une glace. Je voulais pas dire comme ça, excuse-moi, mais... Écoute, va louer un vélo, va faire un tour, reviens dans une heure. Il faut que j'aie une petite explication avec André en tête à tête. Personnellement, je préfère confronter ma vision de la peinture à celle de Bogdan. Ta vision de la peinture? Alors, tutoie. Tu veux qu'on confronte ta vision de la peinture? Mais bien sûr, allons parler peinture. La peinture détend les mœurs, pas vrai? C'est ça, c'est sûr, ça détend les mœurs. Toi, tu as besoin de détendre tes mœurs, André le colérique. Tu mets une majuscule à colérique. Allons parler peinture, allons. Ça va calmer mes mœurs aussi. J'ai bien mangé la petit déjeuner, là. C'était frugal, mais bon. Tiens, tu connais l'adjectif frugal, toi. C'est ça, c'est bien. Les hommes trouvent leur petite solution. Quand on parle d'art, les femmes n'ont plus leur place. Très bien. Laisse-moi ton putain de vélo italien, André. Je vais faire un tour, moi. Tu me rapportes un cône vanille pistache? Ta gueule! Voilà. C'est un canard? Un canard souché, oui. Décomposé? C'est ça. Abstrait? Déconstruit. C'est beau, les canards? Oui. Ah, pourquoi tu les décomposes, tes canards? C'est même assez exceptionnel. J'avais envie de commencer la visite par un canard déconstruit. Parce que tu croyais que ça me ferait peur, la décomposition? Ça fait peur à tout le monde, la décomposition. Moi, j'ai pas peur. Bah, bien sûr, normal. Pourquoi normal? Je me comprends. Peinture à l'huile? C'est ça. Intéressant, le bec. Le bec dans l'eau, c'est la perte de langage. Ah, c'est fort. C'est basique, mais ça parle tout de suite. C'est simple. Et complexe à la fois. J'ai fait des tableaux, moi aussi, parfois la nuit avant. Des tableaux? J'ai peint des toiles de peinture, seulement la nuit, quand j'avais les cauchemars. Ah, c'est bien. J'ai peint exclusivement des tableaux de licorne. Tu rêvais de licorne? Il y a longtemps qu'elles ne sont pas revenues. Excuse-moi, je peux te poser une question? Oui. Le mot licorne en polonais signifie-t-il autre chose que le mot licorne en français? C'est le cheval avec une corne. C'est ça, c'est le cheval avec la corne. Et donc, si je peux me permettre, tout le monde rêve de rêver de licorne. Du coup, j'ai du mal à saisir le mot cauchemar. Elles étaient très nombreuses, il y en avait beaucoup, plein de licornes. Ah, c'est nombre, c'est ça? Étouffant. Bien sûr, bien sûr. La peinture m'a libéré sans doute. Moi, elle m'a enfermé. Elle m'a coupé du monde. C'est dommage. C'est bête. C'est dommage. Peut-être. J'aurais dû déconstruire les licornes. Je les peignais en entier, j'aurais dû les déconstruire. C'est une bonne idée. L'essentiel, c'est que les cauchemars aient disparu. Toi, les cauchemars de canard, ils ont disparu? Non. Continue. Anna, tu es... Est-ce que tu es vraiment amoureux d'elle? Ouais, et toi? Moi? Tu es amoureux d'elle? La première fois que je l'ai entendu chanter, j'ai su que je pourrais plus jamais cesser de l'aimer. Mais vous êtes séparés. La première fois qu'on s'est installés ensemble dans le même appartement, j'ai su que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans tous les oiseaux. Et qu'ils ne tiennent pas tous dans la même cage? C'est quoi ton prénom déjà? Ah, tu le fais exprès. C'est quoi? Bogdan. Bogdan, tu veux voir d'autres tableaux? Bien sûr. J'aime bien la peinture sur toile, ça change des chantiers. J'aimerais que tu la quittes. C'est infernal, tout ça. Infernal. Infernal. Je comprends pas. Tu comprends pas qu'on puisse aimer follement une personne et ne pas supporter de vivre avec elle? Tu comprends pas qu'on puisse préférer vivre seul avec des canards déconstruits? Tu comprends pas qu'on soit prêt par amour à encaisser de passer la nuit à se retourner dans un lit single, avec de l'autre côté de la cloison, la femme qu'on aime et contre la femme qu'on aime, un franco-polonais de 30 ans avec des mains d'étrangleur et un sourire mortel? Tu comprends pas que je puisse vous préparer le petit déjeuner alors que j'ai une envie irrépressible d'aller me pendre à une poutre? Oh, tu comprends pas, non? Ben non, tu comprends pas. Je la quitterai jamais. Tu emploies des mots d'enfant, c'est touchant. Tu les emploies aussi. J'ai jamais dit que j'étais quelqu'un d'adulte, je vis comme un petit garçon que la vie a puni. Je suis amoureux d'elle. Je suis fou, amoureux. Elle rend les choses de la vie supportables, Anna. Tu es quelqu'un de bien, on dirait. Merci. Pour un gérontophile. Bon. Je t'aime bien, André. Moi aussi, ça me fait vraiment chier. Et je t'aime bien. Très bon, ce Stroganoff. Merci. Tu ne perds pas la main. À part le sel. Ça arrive à tout le monde d'oublier le sel. J'avais jamais goûté le bœuf comme ça. Excellent. Et l'armagnac? Divin. Divin, c'est vrai. Ténarèse, 1968 ou 69, je sais plus. 8, je crois. Ténarèse. J'en reviens pas des vagues. Quelle merveille, n'est-ce pas? C'est unique quand ça monte jusqu'au chore. C'est quoi ce que tu viens de dire? Les chores, les prés salés. On dit aussi les Molières, ce sont les étendues inondées seulement par les hautes marées. L'autre jour, à la pointe, je suis resté immobile pendant une heure à regarder les fous de Bassan. Les fous? Les fous de Bassan, le plus gros oiseau marin d'Europe. Ah, tu regardais pas des fous? Je regardais des fous de Bassan. C'était joyeux, ce dîner. On était mal barrés, pourtant. Pourquoi tu dis ça? L'atmosphère s'est détendue. C'est le Pinard, un château neuf du pape, et ça rigole. C'est formidable. Eh oui, oui, oui. On pourrait faire un karaoké. Un quoi? Un karaoké. Ah, plutôt crever. Pourquoi? Non, Bogdan, ce n'est pas une bonne idée. Mais avec Malik, des fois, avant, on y allait, on chantait des vieilles chansons françaises de Gilbert Bécaud, de Michel Sardou. Sympa comme moyen de torture. Il faut du matériel pour faire un vrai karaoké. C'est toute une installation. Non, pas la peine, on fait ça improvisé. Je cherche une bonne chanson sur mon téléphone, et puis on la met, puis chacun chante à tour de tour. À tour de rôle. Mais j'ai dit quoi ? J'ai pas chanté. J'ai jamais su. J'aurais adoré, j'ai pas les cordes. Tu as une très belle voix, André, tu le sais. Elle n'a jamais chanté pour moi en 3 mois. On est plus fort que la fourmi ouvrière, comme elle dit, mais elle n'a pas chanté pour moi. Elle a un polype. Tu lui as dit que t'as un polype ? Mais je sais qu'elle a le champignon. Est-ce que tu peux trouver Polnareff sur ton téléphone ? Michel Polnareff ? Lui, il chante la poupée. La poupée, oui, la poupée, ton... Je l'écoute souvent sur la radio Nostalgie. Cherche tous les bateaux, tous les oiseaux. Tu vas chanter ? Encore les oiseaux, hein ? Je vais chanter. Elle va chanter. Qu'est-ce qui te prend ? C'est ce soir. C'est pour vous. Je suis heureuse. L'Armagnac m'a chauffé le champignon. Le passé, c'est le passé. J'en ai rien à foutre. Elle va chanter, Bogdan. J'ai la chanson des bateaux, des oiseaux. Avant toute chose, j'aimerais préciser que j'ai été. Entendons-nous bien par la chose, j'ai été. Ce que j'ai été, je ne le suis plus. C'est ainsi. J'ai été adoré, j'ai été adulé, applaudi, acclamé. J'ai été le visage en couverture d'une presse spécialisée. J'ai été le soleil dans la brume. J'ai été celle qu'on rêve d'embrasser dans sa loge. J'ai été l'impératrice des caprices, la reine des chieuses. J'étais insupportable, j'étais imbuvable. J'ai été l'aboyeuse de mes 4 vérités. Et même si personne ne me demandait quoi que ce soit, j'aboyais. J'ai été. J'ai été ça et bien d'autres choses. Ce que j'ai été, je l'ai été. Ce que je suis, c'est autre chose. Disons que la brume s'étend. Mais ce soir, je suis la plus heureuse et je n'ai rien à foutre de chanter comme une femme d'intérieur. Je sais que vous ne me jugerez pas. Je sais que vous ne serez pas triste, pas déçu. Nous sommes trop heureux pour ça, à cet instant, n'est-ce pas ? La grande vague encore dans la tête, encore le vent, encore la beauté surnaturelle de cet endroit, encore nos visages stupéfaits. Je suis là. Je suis ce que je suis. Musique, mon chéri. Les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venue. Oh mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette Allô, Anna ? Quoi ? Tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Quoi ? Attends, calme-toi, je comprends rien. Il est parti ? Qui ça ? Oh, bon, d'accord. Merde, mais calme-toi, calme-toi ! D'accord. Comment ça, dans une minute ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu es là. Comment ça, tu es là ? Évidemment que je suis à la maison. Mais j'allais partir parce que... J'aurais dû te prévenir. J'ai eu peur que tu ne sois pas là, que tu sois parti. André, hier tu n'as pas appelé pour la première fois depuis très très longtemps. J'ai dû finir de boucler les cartons et puis le gaz, l'eau, l'électricité, tous ces contrats. Il est parti, André. Parti où? Il m'a quitté. Cette nuit? Cette nuit. Motif? Il était bizarre depuis 15 jours. À vrai dire, depuis notre visite. C'était pourtant un week-end globalement dans l'ensemble assez merveilleux. Mais après ça, je l'ai senti bizarre. Pas dans son assiette. Loin. Il a eu beaucoup de travail depuis son retour à Paris. Et, ben, c'est ce qu'il m'a dit. Et je l'ai cru. Mais hier soir, quand il m'a dit « Je suis crevé, je mange un bout avec Malik et je me couche », j'ai pris un taxi et j'ai été le voir chez lui. Sans lui dire? Sans lui dire. Et? J'ai sonné. Et? C'est Malik qui a ouvert. J'ai tout de suite senti la malaise. Malik a bredouillé, je ne sais pas quoi, je lui ai dit « Écoute mon grand, ça suffit, on ne comprend pas ce que tu dis. » Et puis j'ai fait le forcing pour passer. Et puis... Quoi? Oh André, mon Dieu. André, quelle humiliation, quelle terrible situation. Quelle horreur. Balance. J'ai ouvert la porte de la chambre. Oh, il était au lit avec une fille? Non. Ah bon? Avec une femme. Une femme? Avec une vieille. Une vieille? Une femme plus vieille que moi. Une personne très âgée. Une grand-mère. Mais alors? Bah, tu avais raison, André. Il est vraiment gérontophile? Il l'est. C'est spécial. C'était une vision du papa savoir. Je me suis demandé si mon corps renvoyait la même chose, produisait le même effet. Un sacré coup dur, Anna. Je suis désolé pour toi. Et en même temps, bon, j'ai envie de dire, c'est un malade. Oui, c'est un malade. C'est le vampire des Carpates. C'est la bête du Gévaudan. C'est le lapin de Pâques. C'est le Minotaure. C'est dégueulasse. J'ai honte maintenant. Mais non. Mais si. Tu seras sans doute traversé par un taux. Je vais, ça se fout sous la... Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu dis, André? Qu'est-ce que je dis? Ben, ça va? Ça va? Tu es tout pâle? Mais non. Assis-toi. Il n'y a plus de... Pour s'asseoir. Ben, tu es tout emballé. Je pars. Tu pars? Maintenant? Tu pars où? Je m'en vais. Tu as eu comme une absence? Oui. Tu dors? Oui. Tu manges? Oui, oui. Tu veux un verre d'eau? Non. Ça va? Tu veux voir mon vélo? Ton vélo? C'est un italien, c'est un Carraro Chicchi. C'est italien, tu veux le voir? Mais tu me l'as déjà montré quand je suis venue il y a 2 semaines. On est allé faire une balade, c'était la grande marée. Je vais partir. Je vais te chercher un verre d'eau. Arrête! Arrête avec l'eau! Arrête! Je ne suis pas un enfant! Je ne suis pas un enfant! On aurait dû faire un enfant. On aurait dû, tu lui aurais donné de l'eau, il aurait bu. T'aurais été contente qu'il boive ton eau. André, calme-toi, calme. Je dois partir. André, arrête, reste là. Ne tourne pas dans tous les sens, ça me fait peur. Est-ce que tu vois un médecin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire que tu ne m'as pas dit au téléphone? Je veux voir la grue du Japon. Tu veux voir la grue du Japon? Je pars. Tu pars où? Voir la grue du Japon. C'est un oiseau? En voir, c'est pas donné. C'est rare, ça se planque. Mais c'est d'une majesté. On dit aussi grue de Mandchourie, ou grue à couronne rouge, parce qu'elle a une tache sur la tête, une tache rouge vermillon, comme si elle avait pris un coup et qu'elle saigne. Elle porte des immortelles sur son dos. Quels immortelles? Je ne les connais pas, c'est son problème. Je vais appeler un médecin. André, tu es déboussolé, j'appelle le docteur Carpentier. J'ai une calcification là, quelque chose qui dégénère, c'est tout, c'est l'âge. Tu vas pas en faire une montagne, c'est pas une montagne, c'est une calcification. Un rocher minuscule, c'est de quitter la maison qui... Une calcification? C'est les molécules qui sont là-dedans, dans les cartons. Ça transmet moins bien. J'appelle Carpentier. Tu n'appelles personne. Personne, tu n'appelles personne. Ne crie pas, je t'en supplie. Je vais partir dès maintenant, sur les rives du lac Kanka. Kanka, j'ai dit, Kanka. Hein. Est-ce que je l'ai dit? Faut que tu saches où je suis, si je me perds. Que tu viennes me chercher avec mes parents. Tu sais comment ils sont, ces deux-là, tellement chiants, tellement cons, tellement vieux. Et puis maigres. J'ai des parents trop maigres. Faut qu'ils mangent. Tu leur achèteras des chips à l'aéroport de Kanka. Des chips de légumes pour les vieux, dans leur genre. Ils sont gentils, mes parents. Ils sont morts, non ? André ? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Est-ce que je t'ai dit que je partais pour la province chinoise de Heilongjiang, sur les rives du lac Kanka, la grue du Japon ? C'est là qu'elle se reproduit. C'est là qu'on la voit danser. Je vais la peindre, et puis je vais la peindre. Tu vas la peindre ? C'est ça. Et puis après, je la peindrai. Donc, tu pars en Chine ? Demain. Demain ? C'est demain, demain. C'est ça. C'est bien demain. Alors c'est demain que je pars. Et tu comptes rester longtemps ? Jusqu'à ce que je voie une grue du Japon danser devant mes propres yeux. Ça peut prendre du temps. Il ne reste que quelques centaines d'individus à travers le monde. Ah. C'est l'un des plus grands oiseaux du monde. Et l'un des plus rares. Je vais le peindre. Et puis, je détruirai le tableau comme les autres. Comment ça, comme les autres ? J'ai détruit tous les tableaux. Tu as détruit tous tes... L'important, c'est l'oiseau qu'on voit s'envoler. Ces cartons, tu comptes en faire quoi ? Tout part au garde-meuble du côté de Saint-Valéry. C'est organisé. Arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. J'arrive encore à organiser des choses, tu sais. Je te regarde comment ? Tu es toute déboussolée. Est-ce que c'est... Ne dis pas le mot. Ne mettons pas le mot sur la chose. Plus aucun mot sur aucune chose. Aucun dessin, aucune forme. Un oiseau rare va se mettre à danser, je veux le voir. Et je veux le peindre pour mieux le voir. Et puis après, une fois que je l'aurai vu en le peignant dans ses moindres détails, je détruirai le tableau et l'oiseau vivra entre nous. Toi et moi. Viens avec moi. Où ça ? Là-bas, viens. En Chine ? L'eau du lac est l'une des plus limpides au monde. Le ciel, l'un des plus bleus. Il fait froid. Je n'ai rien pris. Je suis toute nue. Tant mieux. Tu veux vraiment ? Oui. Est-ce que je te l'ai demandé ? Je t'ai demandé de venir ? Oui. Avec moi ? Tu ne veux plus ? Bien sûr que si. Alors je viens. Et on les regardera danser. C'était La Grue du Japon de Fabrice Melchiot. Avec Charlotte Rampling, Anna, Vladislav Galard, Bogdan, André Wims, André. Musique originale, Moqueux. Violoncelle, Isabelle Sainte-Rose. Clavier, Rémi Poncet. Guitare, Moqueux. Bruitage, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Hervé Dubreuil. Nicolas Depagraf, Clémence Aumont. Assistant à la réalisation, Félix Levachet. Réalisation, Christophe Auquet. Merci à Wojtek Noiret et aux équipes du Théâtre de la Ville, Espace Cardin. La Grue du Japon de Fabrice Melchiot est publiée chez L'Arche Éditeur.